usted con el ombligo. Ya dada, rino mata di putin. Ije Rissol, Ije Evra, Ije Pablo Jean-Paul. Honorable Zakari Bababasse, Jean-Marie Kikonda Senji, Lucie Assassin, Doris de la Comonia, Cédric Lutumba Nio, Naoli La Perlera, Linda Kenzo, Andrea Preston, Asta Pink, Lédis, Abidjan, Ivoirienne. Chabani Record, Gilbert Duladi, Ladi Louis a les plumes d'or. Loumama, on va congé les matins, il a fait ça. Toussaint Sambé, honorable Ariel Wambu, Solange Wasabanga, Papi Angoro de Nancy. Alexandre Polino, Tania Smith, Kepen Mila, Jipe Charadi, Marmoud Sabat, Paul Alex, le grand Nigérien Ingwedini de l'Afrique, Guy Malela, Junior Aziz Django Travel, Claude Wonga le banquier, Fabrice Mola trop de car, Jericho la papa du soir, Charles Tabou à l'ami de ça. Maître Coco Caillou de Missambo, avocat de la cour. Honorable Serge Kayembe, Baraka, DJ Bron, DJ Amarula, Cédric Mourinho, Mohamed Mwamba, DJ Frank l'esclave du travail. Wow. Alino Mungulu, Chantal Mabotu, Obed Niembe, Alicia Oberdolce, Karine Karishou, Anani Mugendi, Arnaud Nematiki Barisolito, Christian Biko, Cédric Koukonda, Guillaume Bouchou, Maria Malouba, le capitaine de l'équipe nationale. Salut ma passe, ma casse.